Trop tard. Oreste vient rendre compte à Hermione de la criminelle mission qu'elle lui a confiée. Madame, ça n'est fait, et vous êtes servie. Pyrrhus rend à l'hôtel son infidèle vie. Il est mort? Il expire, et nos Grecs irrités ont lavé dans son sang ses infidélités. Je vous l'avais promis, et quoique mon courage se fît de ce complot une funeste image, j'ai couru vers le temple, où nos Grecs dispersés se sont jusqu'à l'autel dans la foule glissée. Pyrrhus m'a reconnu, mais, sans changer de face, il semblait que ma vue excitât son audace, que tous les Grecs, bravés en leur ambassadeur, d'usent de son hymen relever la splendeur. Enfin, avec transport prenant son diadème, sur le front d'Andromaque, il l'a posé lui-même. « Je vous donne, » a-t-il dit, « ma couronne et ma foi. Andromaque, régnez sur l'Épire et sur moi. Je voue à votre fils une amitié de père. J'en atteste les dieux, je le jure à sa mère. Pour tous mes ennemis, je déclare les siens, et je le reconnais pour le roi des Troyens. » À ces mots, qui du peuple attiraient le suffrage, nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage. L'infidèle s'est vu partout enveloppé, et je n'ai pu trouver de place pour frapper. Chacun se disputait la gloire de l'abattre. Je l'ai vu, dans leurs mains, quelque temps se débattre, tout sanglant, à leur cou, vouloir se dérober. Mais enfin, à l'autel, il est allé tomber. Du peuple épouvanté, j'ai traversé la presse pour venir de ces lieux enlever ma princesse et regagner le port où bientôt nos amis viendront couverts du sang que je vous ai promis. »